Chapitre 19e. Baltimore, cathédrale catholique, collège de Sainte-Marie, sermon, école d'enfants. En avançant vers Baltimore, la culture du terre est plus soignée, les enclos mieux construits. Les maisons prennent un air d'élégance et de richesse, et nous nous consolâmes de la perte de nos belles montagnes en nous rappelant que nous approchions de l'Atlantique. Depuis l'instant où nous quittâmes l'Ohio, qui mérite bien certainement son titre de belle rivière, surtout lorsqu'on le compare avec le boueux Mississippi, je reconnus souvent la vérité d'une remarque que j'entendis faire en Angleterre, c'est que les petites rivières sont plus belles que les grandes. Cela est assurément vrai, comme point de vue dans un paysage. Lorsqu'un fleuve est assez vaste pour que les objets sur le rivage opposé soient indistincts, toutes les beautés ne dérivent plus que de l'eau elle-même, au lieu que, lorsque la rivière est étroite, elle ne fait que partie du paysage. Le Monongahela, dont la largeur est entre celle de Wye et celle de la Tamise, est infiniment plus pittoresque que l'Ohio. Pour jouir des beautés d'une vaste rivière en Amérique, il faut être sur l'eau, parce qu'on a le pouvoir de changer de scène en s'approchant ou en s'éloignant du rivage. Mais en voyageant par terre, comme nous le faisions alors, les petites rivières rapides, sauvages, parfois brisées par des rochers, était mille fois plus délicieuse. Le Potosko, près duquel la route passe en approchant de Baltimore, est sur plusieurs points on ne peut plus pittoresque. Les immenses blocs de rocs grisâtres, tantôt près du bord, tantôt s'enfonçant pour faire place à quelques acres d'une belle verdure, donnent une grande variété au rivage. L'entrée de Baltimore est une des plus belles de celles de toutes les villes des États-Unis. La noble colonne érigée à la mémoire de Washington et la cathédrale catholique avec son dôme magnifique étant bâti sur une éminence, se voit à une grande distance. En approchant de la ville, plusieurs tours et dômes deviennent distincts, et en entrant à Baltimore, vous vous apercevez que vous arrivez dans une cité belle et populeuse. Nous nous établîmes dans un excellent hôtel où la voiture s'arrêta, et le lendemain, nous fûmes assez heureux pour trouver un logement chez une dame bien connue de mes amis d'Europe. Nous passâmes d'une manière charmante 15 jours avec elle et son aimable fille, et nous éprouvâmes la conviction que, si nous n'étions pas arrivés à Paris, nous avions du moins laissé loin derrière nous les tribus de l'Ouest, moitié cheval, moitié alligator, c'est ainsi que les habitants du Kentucky se nomment eux-mêmes. Baltimore est, sous beaucoup de rapports, une superbe ville. On y trouve de fort beaux édifices, et les maisons particulières même ont un air de magnificence grâce au marbre blanc dont la plupart de leurs portiques sont construits. Les nombreuses marches qui y conduisent sont aussi en général composées des mêmes matériaux. Baltimore a été appelée la ville des monuments parce qu'elle possède une magnifique colonne érigée en mémoire du général Washington et qui supporte sa statue, et une autre colonne, moins grande, rappelant quelques victoires, j'ai oublié lesquelles. Toutes les deux sont en marbre blanc et brillant. Il y a aussi, dans différentes parties de la ville, plusieurs jolies fontaines en marbre qui ajoutent beaucoup à sa beauté. Elles ne sont pas, il est vrai, aussi splendides que celles des Innocents à Paris et beaucoup d'autres, mais elles font jaillir une eau limpide et elles sont en marbre blanc. Il y en a une qui est garantie des rayons du soleil par un toit soutenu par de légères colonnes. On dirait un temple dédié à quelque génie des eaux. L'eau coule dans un réservoir en marbre où l'on descend par des marches d'une blancheur éblouissante et elle se répand ensuite dans un autre. Ces escaliers sont toujours couverts de jeunes négresses, les unes portant l'eau sur leur tête avec cette gracieuse égalité de pas nécessaire pour maintenir l'équilibre de leur fardeau, d'autres descendant gaiement avec leur cruche vide, la plupart chantant avec cette voix douce et puissante particulière à leur race, et toutes habillées avec cette élégance et ce goût qui sont le caractère distinctif des femmes de tous les rangs à Baltimore. La cathédrale catholique est regardée par les Américains comme une église magnifique, mais ceux qui connaissent les églises d'Europe ne sont pas tout à fait du même avis. Néanmoins, l'intérieur a un air de propreté qui approche de l'élégance. La forme en est une croix grecque ayant un dôme au centre, mais les proportions n'en sont pas bien gardées. Le dôme est trop bas. Les arches qui le supportent sont plates et trop larges pour leur hauteur. Des deux côtés du maître-autel, on voit des chapelles dédiées au Sauveur et à la Vierge. Ces trois autels sont revêtus d'une mosaïque de marbre dont quelques morceaux sont très beaux. Les ornements de ces autels sont élégants et riches. Le prélat est cardinal et porte de plus le titre d'archevêque de Baltimore. Il y a plusieurs tableaux dans l'église dont on fait un fort grand cas. Deux ont été offerts par Louis XVIII. L'un d'eux représente une descente de croix par Paul Guérin. L'autre est, nous dit-on, une copie de Rubens et représente une légende de Saint-Louis dans la Terre Sainte. Mais la composition de ce tableau est si mauvaise que je suppose que la croyance que ce tableau est de Rubens est aussi fabuleuse que la légende de Saint-Louis. L'admiration qu'on éprouve en Amérique pour ces tableaux est une preuve incontestable de l'état des arts dans ce pays. Nous entendîmes la messe dans cette cathédrale le dimanche après notre arrivée, et je fus surprise de la beauté et de l'élégance des dames qui la remplissaient. Je n'ai jamais vu d'aussi jolies toilettes du matin, si ce n'est aux Tuileries, un jour où il se trouve une réunion brillante. Et je crois que je n'ai jamais vu nulle part tant de belles femmes réunies. Tout était réellement charmante. Le sermon, j'écoute très attentivement les sermons, était tout à fait extraordinaire. Le prêtre commença par nous dire qu'il allait prêcher sur un vice, que depuis le commencement de son sermon jusqu'à la fin, il ne nommerait pas. Ayant ainsi excité la curiosité de ses auditeurs en leur proposant une énigme, il entra en matière. « Adam, dit-il, fut assurément le premier qui commit ce péché, et Caïn le second. » Puis, suivant l'avis qui est donné par l'auditoire, dans les plaideurs, « Passons au déluge, je vous prie. » Il fit mention de la propension particulière des enfants de Noé à cette faute. « Maintenant, ajouta-t-il, rappelez-vous le péché qui cause à Dieu la plus grande horreur. Quel est celui que Jésus ne commit jamais? Quel est celui que Joseph haïssait le plus? Dont était le plus éloigné le disciple que Jésus choisit pour son ami? » Et il continua ainsi pendant près d'une heure, d'une manière qui m'était souvent inintelligible, mais qui, autant que je pouvais le comprendre, paraissait être une sorte d'exposé et de commentaire sur les anecdotes qu'il avait trouvées ou croyait avoir trouvées dans la Bible. Je n'ai jamais vu l'attention d'un auditoire plus fortement excité, et j'aurais réellement désiré, par charité chrétienne, que cette attention fût mieux récompensée. Il y a une immense quantité d'églises et de chapelles à Baltimore, relativement à son étendue. Quelques-unes sont grandes et bien bâties. L'église unitérienne est la plus belle de celles que j'ai jamais vues dédiées à ce genre de secte. Mais la plus jolie de toutes est un petit bijou appartenant au collège catholique. Cette institution est dédiée à Sainte-Marie, et cette petite chapelle a l'air, quoiqu'au milieu de la ville, d'être consacrée à Saint-Jean du désert. Il y a par derrière un petit jardin à peine assez grand pour y planter des choux, et cependant dans lequel on trouve un calvaire surmonté d'une haute croix. La route étroite qui conduit à ce lieu sacré n'est pas beaucoup plus large qu'un sentier destiné à l'usage des moutons. Ces cèdres ne sont que des arbustes, mais tout est proportionné. Et malgré ses dimensions exiguës, il y a dans ce petit jardin quelque chose de saint et une paisible beauté qui parle à l'imagination. La petite chapelle a le même caractère touchant. Une lampe solitaire, dont la lumière est modérée par un verre délicatement peint, est suspendue devant l'autel. La lueur du jour pénètre faiblement, mais avec de riches teintes, à travers des rideaux cramoisis, et le silencieux mystère avec lequel des portes bien rembourrées s'ouvrent de temps en temps pour livrer passage à un jeune homme du collège, qui s'approche sans bruit de l'autel, s'agenouille et offre à voix basse une prière à la divinité, est peut-être plus propice pour créer de saintes pensées que les brillantes anciennes entonnées sous le dôme sonore de Saint-Pierre. Baltimore possède un fort beau muséum, dont la direction est confiée à un des membres de la famille Peale, bien connu pour être dévoué aux sciences naturelles et aux ouvrages de l'art. Et ce n'est pas sa faute si ces derniers sont bien inférieurs aux productions naturelles renfermées dans ce muséum. Le théâtre était fermé lors de notre séjour à Baltimore, mais on nous dit qu'il était loin d'attirer la foule. C'est presque partout de même en Amérique, et l'on assure généralement que c'est l'opposition du clergé qui en est cause. Mais je pense que ce n'est pas là le principal motif, surtout parmi les hommes, qui, s'ils étaient aussi soumis au clergé, seraient certainement plus assidus aux offices de l'Église. Ils ne penseraient pas non plus que la faute est moins grande parce qu'un acteur anglais ou un danseur français se montre sur le théâtre, et dans de telles occasions, les théâtres sont pleins. La véritable cause, à mon avis, est dans le caractère du peuple. Je n'ai jamais vu une nation si peu portée à la joie. Il n'y a aucune trace de gaieté depuis une extrémité des États-Unis jusqu'à l'autre. On n'y voit ni fête, ni foire, ni bal populaire, ni musique dans les rues, ni polichinelle, ni marionnette. S'ils assistent à une comédie ou à une farce, ils rient. Mais ils peuvent fort bien s'en passer. Et je suis persuadé que la réflexion qu'il faut payer pour entrer au spectacle éloigne plus de gens du théâtre que les sentiments religieux. Un imprimeur distingué de Philadelphie m'assura qu'aucune publication gay n'avait encore pu prendre en Amérique. Nous arrivâmes à Baltimore à l'époque des conférences. On me pardonnera de ne donner aucune bonne explication de ce terme, parce que je n'en reçus aucune. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est que cela ressemble beaucoup à un revival. Nous entrâmes dans plusieurs églises, nous entendîmes beaucoup de prédicateurs, et les révérends orateurs ne purent pas m'adresser ce reproche. Peut-on si bien prêcher qu'elle ne dorme au sermon? Car je ne sommeillais pas même à aucun. Il y eut un prédicateur dont la manière de prêcher et le sujet qu'il choisit me parurent si extraordinaires que je pris la liberté d'écrire aussitôt une partie de son discours en forme d'échantillon. J'avoue que je me mis à écrire au milieu d'une sentence, car j'attendis en vain un commencement. Il parla ainsi. Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue le seul objet véritablement grand et important, car le Seigneur est puissant, ses œuvres sont admirables autant qu'étonnantes, autant que sages, autant que miséricordieuses, et de plus, nous devons conserver dans notre esprit et dans notre cœur le souvenir de tous ses précieux bienfaits, de sa charité et de la surabondance de sa bonté. Et de plus, nous ne devons jamais perdre de vue, non, jamais perdre de vue, ni oublier, ni laisser nos âmes s'endormir, ni cesser de nous occuper, de respecter, de bénir, de remercier, de chanter Hosanna et de glorifier. Là finit ma note. Mais ce discours continua sans l'ombre d'un raisonnement et fut débité d'une voix excessivement haute pendant plus d'une heure. Lorsque son sermon fut fini, une scène, semblable à celle du revival à Cincinnati, eut lieu. Deux autres prêtres invitèrent les assistants à s'approcher et leur offrirent des consolations. Un de ces hommes s'écria de la voix la plus dure « Désirez-vous aller en enfer ce soir ?» L'église était presque entièrement remplie de femmes qui tâchaient de se surpasser les unes les autres par leurs cris et les contorsions de leur corps. Plusieurs d'entre elles déchirèrent leurs vêtements. Je m'amusais beaucoup, en dépit du dégoût et de l'indignation que cette scène me causa, par la véhémence de la partie négresse qui composait l'assemblée. Elle semblait déterminée à hurler plus fort que la partie blanche, afin de montrer à la fois sa piété et son égalité. Dans la même chapelle, quelques jours auparavant, une femme, au milieu de son extase, était tombée d'une galerie de la hauteur d'environ 12 pieds, dans les bras de ceux qui étaient plus bas. Une jeune esclave qui nous servait à table lorsqu'on raconta cette anecdote nous assura que de semblables accidents arrivaient souvent, et qu'une fois elle en avait été témoin elle-même. Une autre esclave de la maison nous dit qu'elle était aussi religieuse que ses compagnes, mais qu'elle n'avait jamais eu de convulsions parce que lorsqu'elle allait à l'église, elle était toujours vêtue de ses plus beaux habits et qu'elle serait désolée de les déchirer. Nous visitâmes l'école des enfants instituée par M. Iverston, anglais aimable et spirituel. Ce fut la première école d'enfants proprement dite que j'ai jamais vue. Je fus enchanté de ses succès apparents et de la manière dont elle est dirigée. Nous vîmes à peu près 100 enfants, garçons et filles, depuis l'âge de 18 mois jusqu'à 6 ans. L'appartement était rempli de toutes sortes d'objets instructifs et amusants. Il y avait un cabinet d'histoire naturelle parfait, composé de joujoux d'Allemagne. Une énorme quantité de briques en bois remplissait un des coins de la chambre. Les murailles étaient tendues de papiers représentant différents jolis groupes de figures. On y voyait aussi de grandes gravures coloriées, représentant des oiseaux et des animaux, et qui formaient successivement le thème d'une petite leçon. La flûte harmonieuse de M. Iverston, imitant le ramage des oiseaux, donnait de temps en temps le plus joli petit concert que j'ai jamais entendu. Un plan géographique, assez grand pour donner une idée claire des continents, des îles, des caps, des isthmes, tous placés au milieu de l'eau, est exposé au regard des enfants, et ces jolies créatures posent leurs petits doigts roses avec un air d'intelligence lorsqu'on les interroge sur le pays qu'elles habitent. Le costume des jeunes garçons et des jeunes filles est d'une propreté élégante, leurs manières sont distinguées, et non point cette indifférence grossière si remarquable chez les enfants américains. Monsieur Iverston sera le bienfaiteur de l'Union, s'il parvient à étendre l'admirable méthode par laquelle il polit les manières et éveille l'intelligence de ces jolis petits républicains. J'ai causé avec plusieurs dames américaines sur le manque total de discipline et de soumission que j'ai observé généralement parmi les enfants de tous les âges, et je n'en ai jamais trouvé aucune qui ne déplorât la vérité de cette remarque. Il existe une loi dans l'État de l'Ohio, je ne sais pas si elle existe encore autre part, qui dit que si un père frappe son fils, il paiera $10 toutes les fois qu'il lui fera cette offense. Un gentleman de Cincinnati m'assura qu'il avait vu une fois cette amende infligée à la demande d'un enfant de 12 ans, qui prouva que son père l'avait battu parce qu'il avait fait un mensonge. Cette loi, dit-on, engendre un esprit de liberté. Que peut-elle engendrer encore? M. Iverston, qui semble dévoué de cœur et d'esprit à son entreprise, me dit qu'il s'occupait à organiser des écoles progressives pour recevoir les élèves à mesure qu'ils avancent en âge. Si elles sont aussi capables de compléter l'éducation que celle qui est déjà fondée par lettre de la commencer, son institution sera d'une grande importance. Elle en aurait partout, mais en Amérique, où la soumission ne peut se trouver chez les êtres qui, dès le berceau, savent qu'ils ne sont point appelés à gouverner, ni à être gouvernés, elle est inappréciable. À environ 2 miles de Baltimore, il y a sur le Potapsco un fort qui commande l'entrée de la baie de Chesapeake. Comme nous le visitâmes un dimanche, il ne nous fut pas permis d'y pénétrer. Pour se rendre à ce fort, on traverse une belle terrasse verte, bordée d'arbres, d'où l'on découvre la ville, ses colonnes, ses tours, ses dômes, ses vaisseaux, et la rivière du Potapsco, qui ressemble à une mer par son étendue. Cette terrasse est ornée d'une multitude d'arbres toujours verts et de roses sauvages, mais ce beau lieu, ainsi que le fort, a la réputation d'être horriblement malsain. Avant de quitter la ville des monuments, je ne dois pas oublier d'en citer un, élevé à la prospérité de l'Amérique. L'hôtel de M. Barham est, dit-on, le plus splendide de l'Union, et il serait certainement assez magnifique pour une nation plus habituée au luxe que les Américains ne semblent l'être. J'ai entendu des rapports différents et tout à fait contradictoires sur le succès de cet établissement, mais au moins chacun semble convenir que le libéral entrepreneur a le droit de s'écrier « Les mortels ne peuvent pas commander le succès. J'ai fait plus, Jonathan, je l'ai mérité. » Après avoir passé d'une manière fort agréable 15 jours qui s'écoulèrent en partie à parcourir cette jolie ville et les environs, nous la quittâmes, non sans regret, espérant tous que nous pourrions lui rendre une seconde visite.